les enfants du docteur Mistletoe, de Stéphane Michaka. Il était une fois, au nord de l'Écosse, un manoir environné de brume. Des troncs d'arbres blancs, sans feuilles, sans branches, sans vie, dissuadaient le voyageur de s'attarder ici. Retrouvant son chemin, il préférait faire halte à Lydgate, un petit port de pêche situé à 3 lieues. Mais quand la vision embrumée du manoir revenait dans son esprit, notre voyageur demandait aux habitants si cette bâtisse en ruine, aperçue entre les arbres, était réelle, ou s'il l'avait rêvée. Et les pêcheurs de Lydgate répondaient « C'est le manoir du docteur Mistletoe. Il est abandonné depuis des lustres. Les courants d'air et les corbeaux y ont élu domicile. » Les plus effroyables crimes auraient pu être commis près de Lydgate sans que ces villageois s'en soucient le moins du monde. Après tout, il n'y avait rien à pêcher dans les eaux mornes entourant le manoir. Mais s'ils avaient poussé les portes de la vieille demeure, une effroyable découverte les aurait attendus. Coupés du monde extérieur, 7 enfants, pas comme les autres, avaient grandi dans l'ombre de Mistletoe. Or, le fameux docteur, ce matin-là, se sentait, comment dire, un peu chamboulé. Enfin, disons qu'il n'était pas dans son état normal. Les gars, c'est dingue, les gars. Ça va pas de nous réveiller. Les gars, j'ai pas dit les filles. Je suis un gars. Tu vas voir si je suis un gars. Mais vous deux, raconte, Tom, qu'est-ce qui se passe? C'est Mistletoe. Il est mort. Comment ça, mort? T'es sûr? Je viens de le voir, dans son labo. Il prend une éprouvette, il renifle dedans et se rapetisse. En apéricube. Un apéricube? Tout carré, minuscule, blanc comme du lait. Il ne va plus nous crier dessus? Je crois pas. Il faut aller voir. Allez, on va tomber sur Boris. Si Mistletoe est mort, Boris nous laissera tranquille. Mais alors, on est libre? Libre de faire ce qu'on veut? Libre de se débrouiller comme des grands? Il faut aller voir, je vous dis. Alors, je me recouche. Tandis que Zoé se réfugiait sous son édredon, les enfants du docteur Mistletoe, tremblant de peur et serrés les uns contre les autres, descendaient les marches qui menaient au laboratoire du dangereux savant. Mais arrête, Madeleine, tu pousses. C'est pour te faire avancer, footnote. Oui, mais quand j'avance, ça grince. J'ai peur. C'est la porte du labo. Elle a toujours grincé. Et si c'était Boris? Boris ne grince pas, il grogne. Eh ben, allez, ouvre. Boris, je suis horrible, ça va. J'ai trouvé l'interrupteur. Voilà la péricube. Pauvre Mistletoe. Oh, vas-y, plains-le. Mais bien sûr que je le plains. Un homme de science réduit à un fromage. Pas même un fromage de tête. S'il pouvait se voir, il en pleurerait. Peut-être qu'il va mugir. Et nous, on pleure pas d'avoir été kidnappé par Mistletoe? Si, surtout Footnote. Je pleurais pas, c'était des larmes de colère. On pleure pas d'ignorer où sont nos parents? De ne pas savoir s'ils nous cherchent? Rien ne dit qu'on a des parents. Si, moi j'en ai. Moi je suis sûre, j'ai une maman. Regardez tout ce bazar! Des éprouvettes. Et des seringues. Qui veut une picouse? Oh, pose ça, Sybille. Tu vas finir en marshmallow. T'en dis quoi, Madeleine? J'en dis qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus prisonniers du docteur Mistletoe. Nous devons penser à l'avenir et quitter ce manoir. Quitter le manoir? Pour aller où? On ne peut pas laisser cet homme à l'état d'un péricube. Tu veux le ressusciter, Tom? Libre à toi. Fouille dans ses notes, trouve une formule. Et demain, tu te réveilleras comme hier, sous la coupe de Mistletoe. Sans mémoire. Sans libre arbitre. Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, mais aussi avec affectation de la défendre. La Boétie, discours de la servitude. Qu'est-ce que tu racontes, Footnote? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Mistletoe a fait de nous d'étranges petites créatures. Vite, faut se dépêcher. Boris va croire que c'est nous qui avons... Regardez ce que j'ai trouvé. Un carnet de notes. Toute une pile de carnets. On n'a pas le temps, je vous dis, il faut s'en aller. Il y a des photos de nous. C'est le journal secret de Mistletoe. On dirait un langage codé. Fais voir. Mais vous êtes fous, on va pas se mettre à déchiffrer. Identité des accidents de la thyroïdectomie avec le myxodème décrit par Gull et par Horde. C'est de l'endocrinologie. Comment tu fais ça? Il sait tout, ce mioche. Je sais pas, mais je le sais. Et après, vous le saviez pas que Mistletoe était endocrinologue? Tu veux dire, avant sa phase fromagère? Et qu'il s'est livré à des expériences sur notre milieu intérieur? Oh. Oh. On a été kidnappés par un endroit criminel! Oui, maintenant, reprenez vos esprits! Mais qui m'a fichu cette bande de froussards? Il est docteur en cube maintenant. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les autres. Aïe. Quel faillot celui-là. Boris, tu ne vas pas obéir à un produit laitier. Tu nous laisses partir, n'est-ce pas? Oh non. Il recommence. Il l'a déjà dit, Boris. C'est pas ça, pleurer. Imite les rires, t'y arrives mieux. Oh là, non, non, non, oublie. Pauvre Boris, il ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. C'est Boris. Tu aimerais être ému de temps en temps. I have almost forgot the taste of fears. Shakespeare, Macbeth. La ferme, footnote. Boris n'est pas si méchant. Mistletoe se servait de lui pour nous effrayer. Et pour fermer les verrous. Désormais, Boris, tu es comme nous. Tu es libre. Hé! Regardez. J'ai trouvé les notes de Mistletoe sur Boris. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Les notes parlent de... d'injection d'une hormone de croissance d'origine bovine. Oh. C'est regrettable. C'est ce que je pensais. Boris n'éprouve pas plus d'émotion qu'un bœuf voyant passer des trains. Mais vous avez remarqué, ça lui manque. Il aimerait pleurer, rire et sentir comme nous. Normal, il n'a pas toujours été un bovidé imbécile. Oh, pardon. Et nous alors? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Mistletoe? Oui, qu'est-ce qu'on est? Si on n'est pas des bœufs. Qui sait ce qu'il a bricolé sur nos hormones de croissance? Radislav Crumble Mistletoe. Changé en apéricube. Pasteurisé en plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Mais n'aie pas peur, Zoé. Boris est avec nous maintenant. Ah bon? Boris détient les clés du manoir. Il va nous aider à sortir d'ici. Nous partons pour Lydgate. Lydgate? Il faut bien commencer quelque part. Lydgate est le village le plus proche. Mais on n'y est jamais allé, à Lydgate. Nous ne sommes jamais sortis de ce manoir. Justement, Mistletoe a effacé nos souvenirs, notre mémoire. Si on veut retrouver nos parents, il faut passer par Lydgate. Les habitants peut-être nous reconnaîtront. Lydgate, village de pêche situé au nord de l'Écosse, 816 habitants, spécialité la morue. Vous voyez, on a déjà notre guide. En route. Beurre, la morue. C'est quoi une morue? oui. Grand poisson vivant dans les mers froides, le mot désigne aussi une prostituée. C'est quoi une prostituée? La ferme, Footnote. En quittant le manoir du docteur Mistletoe, les sept enfants n'avaient pas eu un regard pour les troncs décharnés ou les étangs couverts de brume. C'étaient maintenant les gouttelettes de la mer, portées par le vent, qui fouettaient leur visage. Ils marchaient vers Lydgate. Mais sous leurs paroles insouciantes, on percevait le murmure de la crainte. Quelles expériences avaient conduit ce heureux Mistletoe, le savant fou qui les avait kidnappés? Donc, si mon plan est correct, on tourne à droite au carrefour, on débouche sur un rond-point et Lydgate se trouve à 2 km sur la gauche. Sibyl, la tectonique atlantique explique les alignements de relief, comme ici au nord de l'Écosse, mais parfois elle s'accompagne de venues volcaniques. Les collines de Lowlands, tu sais? Non, je sais pas. Ou le plateau d'Antrim, tu vois? Non, je vois pas. Oh, comme la chaussée des géants. Je sais. Tu vois? Non. Oh. Une heure que je pourrais. Ah, Zoé, te voilà. Eh bien, ce n'était pas si compliqué. Ah non, j'ai trouvé tout ce qui était sur ma liste. Les pastèques, les poissons, les oignons. Mais elles sont creuses, tes pastèques. Creuses? Il n'y a rien dedans, tu ne vois pas? Il suffisait de les peser. Bon, alors je vais les échanger. Garde les poissons, pendant... Qu'est-ce qu'il y a? Tes poissons! Ils ont au moins 3 mois! Mais qu'est-ce qu'on t'a. Une marine dans du mazout! C'est une variété spéciale, on m'a dit. Des Exxon Valdez. Fais voir les oignons. Il devait y avoir quelque chose en plus des plures, c'est ça? Oh, je reviens tout de suite! Non, Zoé, tu as fait assez de dégâts. Rends-moi l'argent. Ne me dis pas que tu as tout dépensé. Ben. Qu'est-ce que tu caches sous ton pull? Mais lâche-moi! Hé, mon vanity! Je rêve, tu as acheté une trousse à maquillage! Je te prêterai pas mon blush! Au marché de Lydgate, entre les camelots et les étals de morue, les autres enfants ne se débrouillaient guère mieux que Zoé. Tom avait donné tous ses sous à une jeune mendiante. Sibyl reçut une gifle d'une vendeuse d'huîtres qu'elle avait traitée de plus grosse moule du lot. Aïe! Footnote, acheté pour un prix exorbitant un hippocampe qui lui rappelait des souvenirs. La nature fait pas de saut. Darwin, dans l'origine des espèces. Boris faillit finir embroché ou mijotant avec des oignons. Il est pas bon pour s'oublier. 10 euros le kilo. Quant à Jérémy, il n'avait pas donné un penny au musicien, préférant garder ses sous pour le casse-croûte. Bref, Madeleine avait dû les ramener au manoir pour tenter de comprendre ce qui clochait. Pour corser le tout, sur le chemin du retour, un orage les avait trempés jusqu'aux os. Merci, Boris. Mais arrêtez de vous plaindre. J'ai mal aux pieds. Ça suffit, on avance. Madeleine, tu crois qu'on est encore loin? Boris, arrête, t'es tout gluant. Allez, avec une autre. Bonsoir. Ah, c'est quoi ça? Tu m'énerves en plus avec ça. Formez un cercle là, autour de moi. Il manque personne. Je ne vais pas vous gronder, non. Je ne vais pas crier. Je ne m'appelle pas Miss Mistletoe, Rictus, Démon, Bavolèvre, Parkinsonite et tout le toutim. Je vais juste m'en tenir à ce constat. Votre première tentative de sortie dans le monde a lamentablement échoué. Mais pourquoi tu dis ça? Et c'est tout naturel. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons beau avoir vécu 3, 5 et parfois même 7 ans, mais oui, je ne m'épargne pas, sous la férule de Mistletoe, nous n'en sommes pas sortis plus éclairés. Ce vieux fou de savant n'a songé qu'à ses expériences. Savez-vous ce que cela signifie? Moi je sais, mais bon, je sais Ça signifie que nous ne pouvons fonctionner collectivement et que nous ne pouvons fonctionner individuellement. Excuse-moi, Madeleine. Oui, ma petite Zoé. Ce truc-là, que ça signifie? Ça signifie quoi? Bonne question. Oui, parce que... J'allais y venir. Mais vite alors, sinon la prochaine fois qu'on ira dans le monde, il aura fini depuis belle lurette, hein, le monde. Je propose qu'on se répartisse les carnets de Mistletoe et qu'on tente de savoir ce qui nous rend incapables pour l'heure de quitter ce manoir et de retrouver nos parents. Elle veut dire qu'on doit se taper toute la paperasse du vieux pour savoir ce que ce bâtard a fait de nos hormones. Ah oui, non, d'accord. Mais ça, je savais. Dans la salle de chasse du manoir, ce fut un ouragan, un typhon. Les 7 enfants, comme autant de petits diables, s'emparaient des carnets de Mistletoe et les feuilletaient fiévreusement. Chacun partait en quête de son mystère. Chacun voulait savoir ce que le docteur avait bricolé sur elle, sur lui, sur tous. Madeleine avait allumé dans la cheminée un grand brasier qu'elle alimentait d'oiseaux et de cerfs empaillés. Et sur les visages des enfants, les flammes se tordaient comme des rêves pleins d'épouvante. Alors, on se connaît mieux à présent? Quoi? Vous n'avez rien découvert? On a lu tous les carnets et découvert... Des choses trop affreuses pour être découvertes. Le docteur Mistletoe nous a rendus tautologiques. Tautologiques? Chacun de nous a un tropisme. Le tropos direction. Chacun de nous est orienté. Différemment. Par ses hormones. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Bali. Jérémy... Modifié d'après Jérémy Bentham. Philosophe utilitariste anglais né en 1748. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'intéresse qu'à ce qui est utile. Le reste, il le balance. Et comment il reconnaît ce qui est utile? Ce qui est utile, c'est ce qui peut servir à tout le monde. Ah, comme l'imagination ou l'espoir? Non, comme le tri des ordures ménagères et les prisons modèles. Jérémy a le tropisme de l'élu local. Alors n'oubliez pas, votez utile. Bon, passons à Sibylle. Extrait thyroïdien d'une hyène du Lesotho. Les hyènes du Lesotho sont connues pour leur agressivité et leur esprit particulièrement moqueur. Agressive, moi, c'est la meilleure. On voit bien que je suis entourée d'une bande de mollusques. Bon, pour Zoé, pas besoin de chercher loin. Son tropisme, c'est la candeur, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah bon? Ce n'est pas l'ignorance tout de même, ou la bêtise. Vous me dites si j'en oublie? Zoé est la seule d'entre nous à ne pas avoir subi d'injection. Mon tropisme est naturel, il est igné. Ni. Igné-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Mistletoe l'a abonné à 7 magazines. Vraiment? Elle en sait des choses alors. Mais quel magazine? Pop Starlet. Jeune et naïve. Top of the Tube. Baston Blush d'abord. Vous êtes jaloux parce que je vais être une vedette. Ne vous disputez pas. Examinons Tom. C'est quoi ton tropisme? Moi? C'est... Je me mets à la place des gens. L'ambition? Non, l'empathie. Comment ça? Si tu es triste, il se sent triste. Au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelqu'un brant tes yeux. Ah, Victor Hugo. Oh, tu as bien de la chance, Tom, tu es un poète. Mais je ne veux pas, ça me donne des crampes d'estomac. Eh oui, Pour être heureux, il faut avoir l'estomac bon et le cœur mauvais. Fontenelle, traité du bonheur. Et notre petit footnote qui ne fait que réciter à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce bon Mistletoe? Devine. Des hormones de poisson? Tout le phosphore de la mer d'Écosse? Voilà, c'est ça. J'ai une mémoire inouïe. Tu ne dis pas tout, footnote. Allez, avoue qu'elle est défectueuse, ta mémoire. Laissez-le parler. Tout ce dont je me souviens, c'est les notes de bas de page. Les notes de bas de page? Mais où avait-il la tête, ce Mistletoe? Regardez ce que disent ces notes. Il m'a fait lire les 1000 ouvrages de sa bibliothèque sur un pupitre trop haut pour moi. Je n'ai pu lire que les bas de page. C'est déjà pas mal. Les bas de page, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et toi, Madeleine? Moi? Quoi, moi? Tes hormones, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Ouais. C'est quoi ton tropisme? Eh bien, devinez. Il n'y a rien sur toi dans les carnets de Mistletoe. Pas un mot, pas une formule. Devinez, je vous dis. La grosse tête. Une emmerdeuse. Une chef tête scout. Un tyran. Vous voulez une paire de baffes? Cherchez pas. Tout est dans ce carnet. Oui. Madeleine, injection sous-cutanée d'extrait ovarien prélevé sur une lionne du Kenya. Chez cet enfant, je crois avoir développé un instinct maternel hors du commun. C'est bien ce que je disais. C'est pour ça qu'elle nous a pris dans son giron. Mmh. Elle nous protège. Oh, Madeleine, je pourrais avoir des baskets vintage. Ça suffit. Allez vous préparer, on quitte le manoir. Pour de bon, cette fois. Pour de bon, avec les tropismes qu'on se trimballe, nous allons droit à la catastrophe. Oh, oui. Je le sens d'ici, je suis une fashion victime. Mais vous n'avez rien compris. Vos tropismes ne sont pas des obstacles, ils sont une chance. Une chance? Mais vous êtes brillant, vous êtes doué, économe comme Jérémy, exigeant comme Sibylle, sensible comme Tom, sincère comme Zoé, érudit comme Footnote, et concis comme Boris. Bref, vous irez loin, mais à une condition. Vous devez rester ensemble. Oh. Tels que nous sommes, nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Malheur, obligé de s'entendre. Et je vous y aiderai. Ah. Rendez-vous dans une heure devant la grille du parc. Ah. Allez, on va préparer ta affaire. Alligate, si tu veux, on fera les friperies. D'accord. Mais dis-moi, comment tu as appris à chanter? Oh, je ne sais pas. J'ouvre juste ma bouche et je produis des sons avec. Hein, ce n'est pas qui s'apprend, c'est inné. Après avoir quitté pour de bon le vieux manoir, que devinrent les enfants du docteur Mistletoe? Une légende écossaise raconte que 7 enfants menés par leur grande sœur pleine de bravoure avaient fondé dans les hautes terres un foyer d'accueil pour les orphelins du district. On dit aussi qu'une troupe ambulante s'arrêtait sur les places de village et jouait les mésaventures d'une fratrie qu'un savant fou avait kidnappée. Leurs pièces remportaient toujours un franc succès, même si on ne comprenait pas bien la diction du plus barbu d'entre eux. Une autre légende encore, mais qu'importe. Le fin mot de leur histoire, c'est qu'ils étaient restés ensemble, comme l'avait voulu Madeleine. Et ensemble, ils avaient fait de grandes et belles choses, malgré leur tropisme et les vents contraires. Il suffisait de pousser les portes du manoir et d'attendre que la pluie cesse. Car en Écosse, comme ailleurs, la pluie n'a qu'un temps. Et chaque jour est le début d'une nouvelle histoire. C'était Les enfants du docteur Mistletoe de Stéphane Michaka. Avec la narratrice Anne Cosmao, Tom, Rémi Goutalier, Sibylle, Marie Mosser, Footnote. Alexandre Aubry. Zoé. Maud Becker. Barret. Boris. Clément Bernot. Madeline. Mélissa Barbeau. Jérémy. Martin Amic. Bruitage Frédéric Antoine. Prise de son et mixage Philippe Bredin. Montage Anil Bosselet. Assistante Marie Dupuis. Réalisation Laure Goroff.